بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. C'est Dieu qui mérite le louange suprême. Nous le louons et lui demandons aide. Nous lui implorons pardon et nous nous en remettons à lui contre la perversité enfouie en nos âmes ainsi que celle sur nos œuvres. Ce que Dieu guide, rien ne peut les égarer, et ceux qu'il plonge dans l'égarement, rien ne peut les en faire sortir. Je témoigne qu'il n'y a de créateur et de pourvoyeur que Dieu, et que celui dont les noms et attributs sont la perfection même mérite d'être adoré. Nul ne lui est associé. Je témoigne aussi que Mohammed est son serviteur et prophète. La plus authentique des paroles est celle de Dieu, et la meilleure des voix est celle de son prophète, que Dieu prie pour lui et le salue. Les pires choses en religion sont les innovations, et toute innovation religieuse est un égarement certain. Enfin, tout égarement mène en enfer. Nous avons vu qu'un des secrets de la préservation de cet islam, de cette religion qui a été révélée donc au dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc qu'un des secrets de cette préservation est le fait que Dieu a ordonné dans le Coran ainsi que son prophète dans sa sunna, donc ils ont ordonné de s'éloigner, de ne point accepter tout changement qui serait amené en cette religion par des personnes venant après la mort du prophète Mohammed, que Dieu prie pour lui le salut. Et nous arrivons à présent à la parole de Omar ibn Abdelaziz, qui est un calife qui est venu donc à l'époque au Mayad, et qui a été appelé par l'imam Shafi'i, le cinquième calife. Pourquoi? Par sa bonté, par sa justesse. Donc, Omar ibn Abdelaziz donc était célèbre pour son esprit de justice, et il n'acceptait point donc les injustices et toute corruption. Donc, l'imam Shafi'i l'appelait le cinquième calife en référence aux quatre califes qui ont succédé au prophète, que Dieu prie pour lui le salut, à savoir Abu Bakr. En effet, à la mort du prophète, que Dieu prie pour lui le salut, il y a eu des souverains qui ont dirigé l'État musulman. Le premier était Abu Bakr, le deuxième Omar, le troisième Uthman et le quatrième Ali. Omar ibn Abdelaziz a été appelé par donc l'imam Shafi'i le cinquième calife. Donc bien que il y ait eu un intervalle temporel assez grand entre le quatrième calife et Omar ibn Abdelaziz, l'imam Shafi'i les a regroupés ensemble pour leur justice, donc pour leur bonté. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه خطب الناس فكان من جملة كلامه في خطبته أنه قال والله إني لولا أن أنعش سنة قد أميتت أو أن أميت بدعة قد أحيت لكرهت أن أعيش فيكم فواقا. وعنه رحمه الله كان يكتب في كتبه إني أحذركم ما مالت إليه الأهواء والزيغ البعيدة. Donc il disait, que Dieu lui soit clément, ou plutôt il déclara au cours d'un discours: par Dieu, si ce n'était l'espoir de rétablir un élément de la sunna qui a été oublié, ou d'annuler une innovation religieuse, je ne souhaiterais point vivre parmi vous jusqu'à ce jour. Et il écrivait à autrui: je vous préviens d'être attiré par des innovations religieuses et des avis déviés. Donc, ceci est une autre parole qui montre que les premiers donc appelaient les gens à s'écarter des innovations religieuses et de ceux qui les adoptaient ou bien de ceux qui les amenaient, donc qui inventaient ces rites ou bien ces convictions. Donc l'imam Omar ibn Abdelaziz nous montre qu'il n'accepte de rester souverain et de vivre parmi ceux de son époque, parmi ses contemporains, que pour ces deux raisons. La première est qu'il espère être la cause du fait que les gens reviennent à appliquer, à pratiquer une sunna qui a été annulée, qui a été oubliée par les gens, soit en raison de la propagation des innovations religieuses, soit pour une autre raison. La deuxième raison, Omar ibn Aziz dit que c'est l'espoir qu'il a d'annuler une innovation religieuse, donc de riposter aux innovations religieuses. Et nous avons vu précédemment la parole du savant Fudayl ibn Iyad qui a dit « Si j'apprenais qu'une personne haïssait en elle-même les innovations religieuses, j'aurais un grand espoir que ce sentiment vaille à cette personne le pardon de Dieu, donc qu'elle provoque le pardon de Dieu. » Donc ceci montre que les musulmans doivent donc ancrer ce principe en eux-mêmes, à savoir le fait de ne point accepter les changements religieux et toute transformation de cette religion. Ils doivent rechercher la religion d'origine qui a été révélée à Mohammed. Celle-ci, nous l'avons dit, est relatée en de nombreux recueils qui se recoupent tous, et les musulmans doivent faire attention aussi à ne point adopter les récits qui sont relatés avec des chaînes de rapporteurs non authentiques. Les musulmans doivent faire attention à n'accepter que les récits qui sont relatés donc avec des chaînes de rapporteurs authentiques. Et donc, nous voyons que les premiers voyaient qu'il était très important donc d'avoir ce sentiment en soi-même et de le pratiquer, donc de l'appliquer, à savoir le fait de riposter, de refuser toute innovation, donc de riposter aux innovations religieuses et d'y riposter, et de les refuser. Donc il écrivait aussi à autrui, « Je vous préviens d'être attiré par les innovations religieuses et les avis déviés. Beaucoup d'innovateurs ou bien de membres de sectes peuvent faire miroiter leurs convictions, les préceptes de leur secte aux musulmans, et ils peuvent leur présenter soit des récits relatés avec des chaînes donc de rapporteurs inauthentiques et que les savants bien sûr jugent inauthentiques. Donc ces déviés peuvent faire miroiter leurs convictions, leurs rites aux ignorants et les attirer donc vers leur secte, donc à adopter cette secte ou bien adopter leurs pratiques. Donc l'imam Omar ibn Abdel Aziz prévient les gens et dit « Je vous préviens d'être attiré par les innovations religieuses et les avis déviés. » وقيل للإمام أحمد الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع فقال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل. Une personne demanda à l'imam Ahmed, qu'est-il préférable à ton avis, que la personne jeûne, prie et pratique la retraite spirituelle dans les mosquées, ou qu'elle critique les innovateurs religieux? L'imam Ahmed répondit, s'il prie ou pratique la retraite spirituelle, cela lui profite à lui spécifiquement, mais le fait de critiquer les innovateurs religieux, cela profite à tous les musulmans, ceci est préférable. Donc la question qui a été posée donc à l'imam Ahmed est, cette personne demande à l'imam Ahmed de lui comparer deux sortes de personnes. Le premier groupe de personnes qui ne s'occupe pas donc à riposter aux innovations religieuses, qui se limite à pratiquer les rites ordonnés par l'islam, à savoir le fait de prier, de jeûner, etc. Le deuxième groupe de personnes est constitué par les personnes, bien sûr ces personnes sont des personnes de science et doivent obligatoirement être des personnes de science, car il n'appartient à personne de critiquer ce qui ne sait pas, car Dieu a dit « وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ » et ne te mêle pas de choses que tu ne connais pas, au sujet desquelles tu n'as pas de science. Donc cette personne demande à l'imam Ahmed de lui comparer ces deux groupes de personnes et de lui dire quel groupe est préférable à l'autre. L'imam Ahmed lui a répondu que le fait que la personne prie et pratique tous les rites qui ont été ordonnés par Dieu, cela lui profite à elle-même seulement. Mais le fait qu'elle critique les innovations et qu'elle défende l'islam face à ses tentatives, donc de transformation, à ces tentatives de changement qui sont que tentent donc d'apporter les innovateurs religieux, ceci profite à tout l'islam, profite à tous les musulmans, donc ceci est préférable. Arrêtons-nous cependant à présent au niveau de la façon dont le musulman doit riposter donc aux innovateurs religieux. En effet, les personnes peuvent comprendre en prenant compte de tous ces textes qu'il faut par exemple frapper l'innovateur religieux, qu'il faut donc le léser, etc. Tout ceci doit être plutôt réglé par des textes bien précis. En effet, Dieu n'a rien laissé au hasard, et qui sache que le rôle de frapper ou bien de punir d'une façon ou d'une autre n'est pas réservé au commun des gens, mais est un rôle qui est réservé aux gouvernants. Car lorsque le gouvernant punit par exemple une personne qui aurait volé, punit une personne qui aurait commis, qui aurait nui à la société, le gouvernant ne peut être puni, car c'est lui qui gouverne toute la société. Par contre, si une personne allait punir elle-même le voleur, un quelconque voleur ou bien un quelconque malfaiteur, il est possible que le gouvernement reçoive une plainte qui prétend que cette personne a puni ce voleur à tort. Et c'est possible que cette plainte donc soit à tort ou qu'elle soit à raison. Donc c'est au gouvernant que revient donc la tâche d'intervenir au sein de la société, d'empêcher les membres de la société de nuire aux autres membres et donc d'utiliser la force. Et lorsque des groupes de personnes prennent ce rôle qui est le rôle du gouvernant et tentent de modifier par la force sans autorisation du gouvernant lui-même, ceci provoque la discorde au sein de la société et fera que d'autres groupes de la société riposteront à ces gens par la force, et cela peut provoquer donc de graves problèmes au sein de la société. C'est pour cette raison qu'aucun des savants n'a permis ceci. Donc tout ceci, la façon donc de riposter aux innovateurs religieux, tout ceci est réglé avec des règles bien précises. Lorsque Omar ibn Khattab, le compagnon du prophète, était calife, était donc gouvernant, il a entendu parler d'une personne qui a apporté des choses nouvelles dans la religion, et Omar ibn Khattab l'a puni en l'exilant en Irak. Mais il n'appartient pas à une personne autre qu'un gouvernant d'exiler une personne. Ceci d'ailleurs ne lui serait pas aisé. Donc tout ceci est réglé par des textes bien précis, et l'islam ne veut pas provoquer des problèmes au sein de la société, des rébellions ou bien des révoltes si on veut, ne veut pas provoquer tout ceci, ne veut pas provoquer de bataille si on veut entre les groupes de la société. C'est pour cette raison donc que Dirar ibn Amr, un des savants de l'islam, ainsi que rapporte le savant Ibn al-Jawzi, dit فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا عَمِلَ عَمِلٌ قَطُّ عَلَى جَهْلٍ إِلَّا كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ. Il dit, donc Dirar ibn Amr dit, par Dieu, il n'y a pas de personne ignorante œuvrant sans que ce qu'elle détruit soit proéminent à ce qu'elle bâtit. Donc il affirme qu'une personne ignorante qui voudrait œuvrer avec son ignorance, sans apprendre ce qu'elle doit apprendre au sujet de cet élément qu'elle veut pratiquer, donc Dirar ibn Amr affirme que cette personne, même si elle donc bâtit quoi que ce soit, les problèmes qu'elle amènera, donc les dégâts si on veut qu'elle amènera, seront proéminents à ce qu'elle aura bâti. وقال ابن القيم رحمه الله ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر عن منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أنكر المنكر أو أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها بل لما فتح بل لما فتح مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش أو قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر. لهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء. La traduction de ce texte relativement long. Et le savant donc Ibn Qayyim dit, quiconque étudie les crises que les musulmans ont connues, qu'elles soient graves ou mineures, constatera que la cause en est l'élément suivant, à savoir le fait qu'un élément condamnable fut observé par certains et ces personnes ne purent patienter et voulurent l'annuler à tout prix. Ceci entraîna alors l'apparition de ce qui fut encore plus condamnable. Pourtant, le prophète que Dieu prit pour lui et le salut observait à la Mecque les plus graves torts et ne pouvait point les annuler. En effet, donc le savant Ibn Qayyim nous montre qu'il ne s'agit pas d'annuler le tort que l'on observe dès que l'on observe d'une façon quelconque, sans réfléchir, sans calculer, sans demander aux personnes. Sans revenir au savant, donc sans aucun calcul préalable. Donc l'imam Ibn al-Qayyim nous montre que le prophète, que Dieu prie pour lui le salut, lorsqu'il était à la Mecque, au début donc, de la révélation, priait vers la Kaaba. Et la Kaaba, il y avait en son sein des statues. Donc le prophète ne pouvait point détruire ces statues. Il lui appartenait seulement de prévenir, d'enseigner, d'appeler les associateurs à ne point adorer ces statues et à adorer Dieu à la place, uniquement. Donc il y avait des torts que le prophète ne pouvait pas annuler. Donc le savant Ibn Qayyim dit, pourtant le prophète que Dieu prit pour lui le salut observait à la Mecque les plus graves torts et ne pouvait point les annuler. Bien plus que cela, et bien sûr parmi ces torts, il y a le fait que les associateurs enterraient leurs filles vivantes à leur naissance et commettaient beaucoup de choses, commettaient l'adultère que le prophète ne pouvait point changer et qui n'a pas changé, car il savait que s'il changeait ceci par la force, il serait tué, lui et ses compagnons, et l'islam ne se propagerait point. Donc pourtant le prophète que Dieu prit pour lui le salut observait à la Mecque les plus graves torts et ne pouvait point les annuler. Bien plus que cela, lorsque la Mecque devint ville musulmane, il voulut rebâtir la Kaaba de la façon dont l'a bâti Ibrahim, donc Abraham, ce qui était dans ses capacités. Mais il ne le fit pas par crainte de choses graves, comme le fait que sa tribu ne comprenne pas cela en raison du fait qu'ils aient nouvellement seulement embrassé l'islam. Donc le savant Ibn Qayyim dit que le prophète, ainsi qu'il a été rapporté par certains hadiths, le prophète a voulu, ainsi qu'il l'a dit à Aïcha, son épouse, il lui a dit, j'ai pensé rebâtir la Kaaba, donc l'édifice autour duquel tournent les musulmans au cours du pèlerinage. Donc le prophète a voulu le rebâtir de la façon dont l'a bâti Ibrahim. Et nous verrons la raison de ceci au cours de la prochaine séance, en demandant à Dieu de nous préserver jusqu'à ce rendez-vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.